c'est fou, je peux pas me détacher de mon passé. En bien ou en mal, comment oublier? À l'époque où j'avais deux parents à la maison, famille stable, niquée par une séparation. Comment oublier avec elle sur le prado? L'impression d'être léger, tous les problèmes tombent à l'eau. On a tous des souvenirs à jamais gravés. Quand on a marre de souffrir, tu te réfugies dans le passé. Vu que l'avenir te fait peur, peur de la douleur qui te pourrit ton vécu, y'a peu d'espérance dans le message que je véhicule. Vu que l'avenir te fait peur, peur que l'amour se meure. Il n'y a qu'elle dans ta vie comme un but ultime. Il n'y a qu'elle dans ta vie. Pour tous les nostalgiques qui vivent dans le passé, quoi de façon tragique leur avenir tracé. Pour tous les nostalgiques qui vivent dans le passé, quoi de façon tragique leur avenir tracé. Nostalgique, tu vis dans le passé. Rien ne peut m'arrêter quand dans ma tête tu te mets à tourner. C'est chaud, je sais mais j'y peux rien. Mon avenir je le vois plutôt incertain. C'est dur de vivre dans le passé, surtout que je t'ai laissé tomber. Je pourrais pas me le pardonner, encore moins te pardonner. Une chance à t'accorder, une nuit à t'écouter, un ange à regarder. N'oublie jamais ce que je faisais pour toi. N'oublie jamais comment c'était dans mes bras. N'oublie jamais ce que je faisais pour toi. N'oublie jamais que je t'aimais et je pouvais mourir pour toi. Pour tous les nostalgiques qui vivent dans le passé, quoi de façon tragique leur avenir tracé. Pour tous les nostalgiques qui vivent dans le passé, quoi de façon tragique leur avenir tracé. Yeah.